Publius vécut à Rome au 1er siècle avant notre ère. Il est resté célèbre pour ses sentences. La plupart des pensées de Publius sont charmantes et très bien disposées pour l'agrément de la conversation. Je choisis les suivantes, renfermées chacune dans un vers. C'est un véritable plaisir pour moi de les transcrire. Mauvais est le plan qu'on ne peut modifier. Rendre un service à celui qui en est digne, c'est recevoir le bienfait en l'accordant. Supporte sans te plaindre ce que tu ne peux éviter. Celui à qui l'on permet plus qu'il ne convient veut plus qu'il ne lui est permis. Un compagnon de voyage, bon conteur d'histoire, vaut une voiture. La frugalité n'est qu'une honorable pauvreté. Les larmes d'un héritier sont rire sous le masque. La patience poussée à bout devient fureur. On a tort d'accuser Neptune quand on fait naufrage pour une seconde fois. Vis avec ton ami comme si tu pensais qu'il puisse devenir un ennemi. Supporter une ancienne injure, c'est en appeler une nouvelle. Jamais sans péril, on ne triomphe du péril. À force de disputer, la vérité se perd. Refuser gracieusement un bienfait, c'est l'accorder en partie.